Nous chantons de toi, Seigneur Tout-Puissant, du début à la fin, tu es constant. Le chemin, la lumière, l'éternité, ton nom glorieux pour l'éternité. Quand nos cœurs sont lourds, tu nous soutiens. Dans la tempête, tu tiens nos mains. Alpha et Oméga, tu es là. Yahweh, notre guide, notre loi. Yahweh, tu es l'Alpha et l'Oméga, le commencement. Chaque jour nous marchons dans ta lumière, éclairés par ton amour sans barrière. Quand le monde est sombre, tu es lumineux, ton amour nous rend victorieux. Dans les épreuves et les joies, tu es ce roc. Marchons sur ta parole sans aucun choc. Ta grâce nous entoure chaque instant. Nous te louons, nous te bénissons infini et constant. Yahweh, tu es.